la peine de t'excuser le mal que fait. Mon cœur est brisé. À nouveau faire confiance, jamais. À nouveau dire je t'aime, jamais. Tu m'avais promis que tu n'aimerais que moi. Tu m'avais promis que c'était pour la vie. Oui, mais j'ai appris que tu m'avais trompé. C'est la seule chose que je ne peux pas te pardonner. Non, je ne peux pas te pardonner. Non, je ne peux pas. À cause de toi, je ne sais pas si je pourrais à nouveau un jour guérir ma peine. Tu n'as plus d'importance, tu sais. Je préfère souffrir qu'à nouveau t'aimer. Tu m'avais promis que tu n'aimerais que moi. Tu m'avais promis que c'était pour la vie. Oui, mais j'ai appris que tu m'avais trompé. C'est la seule chose que je ne peux pas te pardonner. Non, je ne peux pas te pardonner.